Merci à toutes les deux. Alors, je vais essayer de trouver un petit peu des choses à discuter et à questionner dans ces présentations très complètes. Et j'ai essayé de trouver des thématiques un peu de rapprochement. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans les deux, c'est qu'en apparence, dans les deux cas, on est sur la question non seulement des classes sociales et de la région, mais de l'articulation avec la question de l'ancrage territorial et du quartier. On a apparemment alors, abordé par deux angles différents hein, la communication. La première communication, on a plus, on va dire, on part des pratiquantes, surtout d'ailleurs, et de la base, soit on voit un petit peu moins le regard de l'institution religieuse sur ces logiques-là, enfin on ne le voit pas trop. Dans le cas de l'intervention de Lucine Endelstein, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que là on voit beaucoup la logique institutionnelle, où est-ce qu'on envoie des délégués Lubavitch, où est-ce qu'on s'installe, on voit un petit peu moins effectivement la réaction, l'appropriation par la base potentielle. Mais dans les deux cas, on est sur un cas où la pratique religieuse, elle est très ancrée, elle est à domicile, enfin où elle a vocation à être à domicile, ce qui n'est pas forcément le cas de toute pratique religieuse, des fois on se déplace très loin, même quand ce n'est pas forcément pour des pèlerinages, mais des fois y compris pour des pratiques plus régulières. Là, ici, donc dans le cas des catholiques de la première communication, on est dans un cas tel que ça nous est présenté, où la pratique religieuse, elle est vraiment imbriquée à la question du voisinage, notamment pour les femmes. On ne sait pas trop, par contre, du côté de l'institution, effectivement, si du coup l'institution suit en mettant aussi des prêtres qui sont en adéquation en termes d'habitus, en termes aussi de passé familial avec ce type de quartier. Mais en tout cas, là, effectivement, la religion, elle est très autochtone hein, par rapport au quartier, c'est vu comme très très imbriqué. Et dans le cas des Lubavitch, même si c'est pas du même ordre, effectivement, comme tu l'as rappelé, ces émissaires Lubavitch, ils habitent sur place. Et dans le cadre d'une pratique religieuse où effectivement on n'est pas censé surtout pas prendre les transports en commun ou une voiture pour le Shabbat, donc effectivement dans une pratique juive orthodoxe on marche à Shabbat, donc le lieu de culte doit être proche de chez soi. Mais en même temps on est sur deux choses qui sont quand même assez différentes parce que c'est Lubavitch et par rapport à des quartiers où dans certains cas la visibilité juive est restreinte ou récente, ils peuvent être perçus comme extérieurs, enfin venant de l'extérieur, en tant que juif d'une part et en tant que Lubavitch. Et effectivement, de fait, le rapport au territoire est pas du tout le même, enfin probablement pas du tout le même dans les deux cas, dans la mesure où effectivement, ici, chez les Lubavitch, on est dans le cas d'une appartenance, en même temps, quand on est Lubavitch, à un réseau qui est mondialisé, comme tu l'as dit. Donc effectivement, ce que créent à chercher les Lubavitch, c'est l'appartenance à un courant très identifié, très spécifique au sein du judaïsme, avec éventuellement, enfin une logique en fait de déterritorialisation presque, hein, c'est-à-dire qu'on est Lubavitch avant d'être du quartier. En tout cas, c'est ça qu'on cherche à créer. Donc c'est pas du tout la même chose, et éventuellement être Lubavitch peut être un stigmate, comme là t'es un peu passé là-dessus, c'était dans ta conclusion, mais ça peut, dans le contexte à la fois français et juif en général, être un stigmate, parce que vu comme trop extrême. Chez les catholiques de la première communication, on est sur quelque chose de tout à fait différent, puisqu'effectivement, là on est sur la continuité parfaite, quoi. Et donc effectivement, on a... Plus, la question serait plus l'inverse, c'est-à-dire est-ce que des fois, pour ces femmes, et peut-être dans une moindre mesure hommes catholiques, est-ce que des fois la pratique religieuse peut aller de pair avec une appartenance catholique plus large, quoi. C'est-à-dire est-ce que toutes ou pas se situent au sein d'un univers catholique plus large que celui de la paroisse et de la ville, mais se situent au sein de... courant catholique éventuellement, ou ont parfois une pratique religieuse qui puisse être extérieure au quartier, qui puisse les amener à sortir, non pas seulement de chez elles, mais à sortir de leur ville, pour, je ne sais pas, des retraites, des choses de ce type. Est-ce qu'elles vont s'intéresser à ce que dit le pape, ou etc. Enfin voilà, est-ce que l'appartenance territoriale, justement, dépasse un peu ce quartier, ou seulement pour certaines d'entre elles, hein, cette question finalement de l'échelle, de la... l'imbrication du coup de l'échelle locale avec d'autres échelles, du coup dans les deux communications peut servir un petit peu aussi de piste de comparaison. Et dans le cas des Lubavitch, à contrario, peut-être de plus, j'avais des questions sur justement quel type d'adaptation locale supplémentaire il y a En termes, alors là on le voyait un peu, de partenariat avec d'autres organisations juives dans les nouvelles villes d'implantation. Est-ce que quand un émissaire Lubavitch arrive à Saint-Germain-en-Laye, est-ce qu'il va chercher à contacter ou pas le rabbin, la synagogue consistoriale locale, est-ce qu'il va chercher à contacter ou pas éventuellement d'autres groupes religieux et à se positionner sur le marché du dialogue interreligieux local, je ne sais pas. Donc de regarder inversement cette logique quand on vient d'ailleurs d'implantation locale. Et alors, dans les deux cas aussi, la question du genre dans cette articulation du local, du religieux et de la classe. Donc effectivement, dans les deux cas, on peut avoir l'impression de logique très genrée, quoique pas de manière forcément aussi similaire. Comme tu l'as rappelé, Lucine, dans le cas des Lubavitch, c'est pas du tout évident que les femmes sont centrées forcément sur la maison. Dans certains cas, la question de l'activité professionnelle hors de chez soi peut être importante. Donc est-ce que tu as des idées de comment ça se module dans le cas des classes supérieures, où justement peut-être c'est moins nécessaire, etc. Donc un petit peu, voilà, est-ce que les logiques de genre au sein du monde Lubavitch peuvent éventuellement être différentes quand c'est dans les milieux, dans les classes supérieures et quand c'est dans les, par rapport à quand c'est dans les classes populaires. Et puis effectivement, donc là dans le cas des catholiques de la première communication, là on a un peu l'impression que la religion, elle est imbriquée, elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler le travail de voisinage des femmes. Enfin, il y a des travaux d'anthropologie sur comment les femmes assurent le travail de parenté, comment effectivement il y a une division du travail où c'est les femmes qui envoient les cartes de vœux à la nouvelle année, qui font les congratulations pour les mariages, etc. Là, on a un peu l'impression qu'il y a aussi une division du travail dans ces couples où effectivement les femmes sont chargées du travail de voisinage, de bien s'intégrer dans le quartier pour les enfants, pour tout ça, etc. Aussi, elles le souhaitent parce que si elles sont inactives, c'est comme tu l'as dit, une manière de sortir de chez soi. Donc on a un peu l'impression que là, le religieux est embarqué dans le travail de voisinage et on aimerait un peu savoir un peu comment se passe cette continuité-là. Et aussi comment les hommes suivent ou pas ce travail de voisinage ou en sont totalement écartés, quoi, pour le coup. Et donc effectivement, et aussi dans certains cas, comment peut-être cet ancrage religieux très fort dans le voisinage peut aussi peut-être pour ces femmes servir de manière de résister au conjoint dans certains cas, des stratégies par exemple à des mobilités professionnelles du conjoint en disant bah non, je suis très intégrée dans ma paroisse, du coup on bouge pas quoi. Et les enfants sont très intégrés dans leur école. Enfin, comment aussi il peut y avoir, ça peut après avoir des répercussions sur le privé, quoi, sur les dynamiques aussi au sein du couple. Et puis, je ne dirai pas tout ce que j'aurais pu poser comme question, parce qu'il y en aurait plein, la comparaison des deux peut être très riche. Toujours sur cette question effectivement de l'articulation du local, du religieux, du bourgeois, alors de l'appartenance à la bourgeoisie, dans le cas encore des catholiques, c'est vrai que la communication met beaucoup l'accent sur cette imbrication, hein, où effectivement on a du mal à séparer le local, le religieux, le capital social. Je me suis demandé si dans certains cas, alors d'une part, on finit par arriver à se dire, là, les activités religieuses, finalement, est-ce qu'elles sont liées à un entre-soi purement religieux ou est-ce qu'elles ne sont qu'une dimension parmi d'autres d'un entre-soi où la classe, le voisinage, l'ethnicité, la religion, tout ça est complètement inséparable et indémêlable. C'est un peu la communauté de voisinage de Max Weber, c'est-à-dire où finalement on n'est pas très loin de l'ethnicité quand même, dans ce côté évident de l'imbrication de tout ça, et où tout ça est une manière de se distinguer aussi d'autres populations, comme tu l'as dit un petit peu pour celle qui est partie de Nanterre. Et où finalement toutes les interactions du quotidien imbriquent en permanence la classe, le local, la religion. Et chez les Lubavitch, c'est presque le contraire, parce qu'on pourrait avoir l'impression que rentrer dans la pratique religieuse, ça peut être au contraire désimbriqué, c'est-à-dire que le judaïsme cesse d'être juste une identité ethnique pour devenir vraiment du religieux, et où le capital religieux, les compétences religieuses peuvent amener à se séparer d'une automaticité de la judaïté, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, et où quelque part, en plus, comme tu disais, ça peut être stigmatisé, donc ça peut faire sortir de la bourgeoisie à la limite, ça peut peut-être être un stigmate si on est trop visiblement bourgeois, et donc finalement là on a quelque chose qui est beaucoup plus potentiellement désimbriqué que dans le cas des catholiques. Et du coup la question là-dedans, c'est l'articulation avec des carrières locales. Dans le premier cas, on a l'impression que ça peut être complètement en continuité. Et on se demande du coup si ces femmes peuvent faire des carrières, on va dire, religieuses qui sortent du local, c'est-à-dire se mettre à s'investir dans le religieux, acquérir des compétences en partant du catéchisme jusqu'à, je sais pas quoi, au diocèse, etc. Enfin, aller plus loin pendant la carrière religieuse, quitte à sortir du local. Inversement, est-ce que être Lubavitch ou proche des Lubavitch peut permettre de faire une carrière locale, enfin d'avoir un peu plus de capital social dans sa ville, ou pas du tout, quoi, par rapport à ce qui est, en comparant là encore à ce qui était dit sur les catholiques. Et donc, pour terminer aussi, toute la question des tensions que vous avez toutes les deux soulignées dans vos communications, qui sont très intéressantes, c'est-à-dire, j'ai parlé des imbrications, mais toute cette question des tensions, dans le premier papier, c'est extrêmement intéressant, cette question de comment on bricole avec être riche et catholique et toutes les tensions, le bricolage dans les discours que ça peut générer. J'étais intéressée par ce discours sur, à la fin, il faut être humble, rester humble. Je me demandais là-dedans qu'est-ce qui était du religieux, qu'est-ce qui était de la classe, c'est-à-dire le bon goût, c'est être discret aussi. Et puis, dans le cas des Lubavitch, je me demandais un peu plus, voilà, d'en dire un peu plus sur en quoi il peut y avoir chez les Lubavitch des discours qui peuvent effectivement s'accommoder ou faciliter le fait de dire on peut être riche chez Lubavitch. Voilà, je m'arrête là.